Si je vous dis zoo abandonné, pénitencier au marché aux puces, vous pensez à quel quartier? Bienvenue à ce premier épisode de Québec Centrique, un projet pilote du Cégep Limoilou. Je suis votre animatrice, Mo Simard. Notre but ici à Québec Centrique, c'est de vous faire découvrir le côté insolite de la ville de Québec, des légendes, des événements, des lieux, des commerces. Chaque épisode se concentre sur un quartier. Peut-être que ce sera le vôtre! Sur ma ville, donc j'écoute Québec Centrique, Québec Centrique. Je veux en savoir plus sur ma ville, donc j'écoute Québec Centrique, Québec Centrique. Parlant de quartier, vous avez peut-être deviné, aujourd'hui pour notre premier épisode, on parle de Charlebourg. Fait intéressant sur Charlebourg, son trait carré, c'est l'un des derniers villages en forme d'étoile en Amérique, qui est un calque des modèles européens. Quand même assez vieux. En studio aujourd'hui avec moi, Anne-Sophie Aubin, Amy Jadaudet et Alexis Chouinard. Alors, Alexis Chouinard, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. T'es allé jouer au mini-golf aujourd'hui pour l'émission. Oui, effectivement, j'étais allé faire un petit tour au mini-golf. Il y a un nom assez étrange, oui. et complet. Barletti, mini-golf. Mini-golf, Barletti, fluo, Sameuse. Ouais. C'est un long nom. Est-ce qu'il faut tout le dire? Faut tout le dire. Okay. D'un bout à l'autre. Bon, c'est le souhait du créateur. On va respecter ça. Non, mais... Barletti ou mini-golf en premier? Barletti, de mon expérience, tu rentres, première chose que tu vois, c'est le Barletti. Okay. Moi, je le mettrais Barletti, en avant. Barletti, mini-golf, fluo, après Sameuse. Après ça, mini-golf, tu remarques que c'est fluo. Donc, okay. Puis après ça, tu t'amuses. Super. C'est dans cet ordre-là. Super. Mais oui, j'ai eu la chance de rencontrer celui qui a fondé le mini-golf, puis de lui poser quelques questions. Il m'a fait un peu le tour des lieux, il m'a présenté son parcours un peu, il m'a présenté les parcours de mini-golf, les décors. On a discuté pendant un bon moment de toute la technique derrière ça. Mais comme je dis, déjà tu rentres en premier, première chose que tu vois, c'est vraiment un bar laitier à ta gauche. Tout est vraiment fait comme une sorte de salle d'attente glorifiée avec des jouets dans des genres de grosses vitrines okay. que tu peux genre avoir, tu peux acheter embellir ta partie de golf. Et oh évidemment, pourquoi pas? Ben oui. tout dans le thème fluo aussi, t'as des bâtons lumineux, des lunettes spéciales et tout ça. Puis. Tu vois vraiment la bonne ambiance de tous âges. Et comme je dis ça, j'ai pu m'entretenir avec lui personnellement. Puis il m'a expliqué qu'il travaillait chez Frito-Lay's pendant des dizaines d'années. Oui, il a changé de carrière. Il a possédé un mini-golf extérieur. Oui, il a travaillé beaucoup. Puis même pendant qu'il travaillait... C'est ça, il y avait ses entreprises en même temps qu'il travaillait. Un mini-golf extérieur, celui-là qui était à côté de l'entrée de Laurentienne? Écoute, je sais pas. Parce qu'il y avait un mini-golf bar laitier qui a fermé. Oui, c'était aussi un mini-golf bar laitier, je pense que ça devait être lui. Waouh, je savais pas que c'était le même propriétaire. À moins que ce soit une niche avec beaucoup de gens. Peut-être. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a des tonnes de mini-golf à Québec. Exactement, mais c'est ça. Lui, il a pris sa retraite il y a 2 ans de Frito-Lay's et il a juste continué son genre de sa passion externe qui était de gérer ses mini-golf. Puis ça fait quand même quelques années qu'il y a son mini-golf. Ça fait quelques années qu'il y a son mini-golf. Puis je lui ai posé la question, puis on peut l'entendre là-dessus. Au niveau du mini-golf fluo, ça fait 5 ans. Ça a fait 5 ans cette année, justement. Par contre, au niveau des mini-golf en général, ça fait quand même 23-24 ans que je suis dans le mini-golf. J'avais un mini-golf extérieur avant, mais si on parle de mini-golf intérieur, fluorescent, black light, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans cette année. Donc c'est ça, il mentionne, ça fait 5 ans cette année qu'il y a son mini-golf intérieur. Extérieur, ça dure depuis déjà un moment. Puis c'est ça, j'ai pu vraiment voir un peu comment lui a géré cette entreprise-là, comment il a réussi à acquérir les décors, comment pourquoi le thème fluo, pourquoi le bord laitier. Les décors, d'ailleurs, sont quand même... je veux dire, t'es allé, là, t'as vu, ça ressemble à quoi? C'est quand même... C'est des beaux décors. C'est des beaux décors. Sont plus grandioses que ce que je m'imaginais. Puis souvent, sont très, très inclus dans le parcours. Mm-hmm. Je me rappelle, entre autres, d'un bateau où il faut vraiment que tu frappes ta balle et que tu prennes en compte la côte, le bateau pires, qui monte. Ouais. Les pires. Exactement, trucs. Les pires. Parce mm-hmm. que si tu te manques, la balle repart, puis t'as un point de plus. Ouais. Mais c'est ça, il essaie vraiment d'inclure les décors dans les parcours. Il y a deux parcours différents. Et... les deux parcours se finissent de la même manière à peu près, où est-ce que t'as comme une structure, où est-ce que si tu fais un trou d'un coup, un trou plus compliqué, il y a comme des alarmes qui commencent. Oui, c'est vrai. Il y a de la lumière, il y a des célébrations, puis si jamais tu le manques, ben c'est pas grave, ça va aller dans l'autre trou, puis ton parcours va être fini. Oh non, c'est okay, toi. Ça, c'est à la fin de chaque parcours. Fin. Ouais, mais c'est comme un peu le mini-golf qu'il y avait avant au Galerie de la Capitale, mais en oui. mieux. Exactement. Ben, effectivement, il y avait un mini-golf. Qui a disparu. Ouais, quand ils l'ont tout refait. Oh, il était le fun, avec les bananes puis les trucs qui. Oui, oui, oui. Avec le truc, il fallait que tu rentres ta main. Oui, ça te mordait. Oh my god, ça t'est. Ouais, ou ça t'est le cocktail. J'ai vraiment peur. C'était lui où il y avait de l'eau aussi un peu partout qui te lançait dans le visage. C'est assez étrange. C'est une chaîne de mini-golf, me semble. Non? Ça se pourrait. Il me semble que c'est une chaîne. En tout cas, bref. Ça se peut. En tout cas, ça, de ce que je vois, c'est pas une chaîne de mini-golf. Non. C'est vraiment juste la même personne qui gérait un mini-golf et qui en gère un nouveau. Donc, j'avais mentionné justement deux parcours différents. Lui, dans sa tête, quelque chose qu'il voulait de différent des autres parcours et de différent, entre autres, de solo ou galerie, comme on parlait, c'est qu'il voulait trois thèmes par parcours à la place d'un thème par parcours. Donc, le premier, on commence avec les fonds marins. Oui. Ce que je détesterais, je suis terrifié de l'eau, mais là, c'était correct. Je vous rassure, c'était correct. C'était pas tellement dans les fonds marins. Non, non, c'est ça. Il y avait vraiment des murs. Ouais. Le deuxième thème, c'est la course automobile. Donc, il y avait vraiment des décors de voitures un peu partout. Et le troisième, c'est le hockey. Comme j'avais dit, ça finit sur un goaler, celui-là, où est-ce que tu dois tirer ta balle, qui est particulièrement compliqué. Et pour ces parcours-là, c'est vraiment du airbrush sur les murs. Donc la peinture en airbrush, c'est vraiment peinturé directement sur les murs. Puis c'est aussi accessible pour les poussettes et les chaises roulantes à cause de comment ils ont espacé. Donc une très bonne chose. Toute la famille peut venir. Exactement, tout le monde peut venir jouer au mini-golf. Les décors, quand même, il les fait faire sur mesure. Là. C'est une grosse affaire. Oui, c'est une compagnie canadienne, mais pas québécoise, qui fait directement les décors. C'est lui qui les a un peu commandés, qui leur demandait je veux ci, je veux ça. Et ils ont parlé par email et ils redonnaient toujours des précisions, ils renvoyaient des décors, des fois ça prenait des mois. Il y a vraiment mots. Son mot à dire. Sur... Exactement, il a toujours gardé son mot à dire. Mm-hmm. C'est son projet. C'est son projet, c'est son mini-golf, c'est lui qui paye. Mais c'est quand même. Et c'était justement une question que je lui ai posée, le processus pour les décors, donc on l'écoute. Le processus, c'est d'avoir quelqu'un qui est prêt à les fabriquer. Moi, c'est une compagnie du Canada, mais pas du Québec, qui a construit tout ça. Donc, c'est canadien, mais c'est pas... c'est local, mais local agrandi, si on veut. Donc, c'est une compagnie du Canada qui a tout construit ça. Les idées, bien, ils ont toutes passé dans ma tête, un par un. T'sais, moi, la façon que j'ai procédé, c'est que j'ai dit, bon, ben je vais avoir telle affaire, comme un peu comme je disais tantôt, je vais avoir trois thèmes sur un parcours, puis trois thèmes sur l'autre. Contrairement à la plupart des autres mini-golf qui ont juste un thème sur les 18 trous, moi, je voulais avoir trois thèmes différents. Donc, j'ai donné mes idées, qu'est-ce que je voulais avoir. Eux autres, ils m'ont proposé des choses, puis un coup proposé, ben moi, j'ai modifié ce qui faisait pas mon affaire ou ce qui faisait mon affaire pour que ça donne le résultat qu'on voit là présentement. C'est certain qu'il y a pas grand-chose qui s'est fait sans mon accord. Dans tout ce que tu peux avoir vu, là, tout a passé par moi. Là, j'irais même jusqu'à dire presque toutes les couleurs aussi ont passé par moi. Pas au complet, là, mais plusieurs couleurs ont passé par moi, dont le gardien de but, dont la puck de hockey, la rondelle de hockey que tu as vue quelque part, dont le volcan. Le volcan, je l'ai fait modifier pendant... 4 fois, 5 fois à peu près, parce qu'il y avait toujours un petit quelque chose qui faisait pas mon affaire, donc je leur retournais, on s'écrivait par courriel, puis je leur retournais les messages, je dis, non, ça, telle affaire, j'aime pas ça, je veux avoir telle affaire à la place, puis en tout cas, finalement, ils se sont adaptés à tout ce que j'ai voulu avoir, puis ça donne le résultat que j'ai là. Mais donc, ça lui réussit bien, toutes ces choses-là? ça lui réussit bien. Il y a une grande clientèle, il y a beaucoup de gens qui viennent. On avait parlé de c'est quoi le type vraiment de client qui se présente chez lui, puis à peu près ça ressemble à quoi. Puis on peut l'écouter aussi là-dessus. Clientèle varie de comme dirait tout le monde, de 7 à 77 ans. Là, c'est vraiment pour tous les âges. Je suis adapté aussi pour tous les âges, un peu comme je te parlais au niveau des poussettes, au niveau des fauteuils roulants, au niveau des personnes âgées, des personnes à mobilité réduite, des personnes qui ont rien d'autre, donc qui marchent sur les deux jambes. Il n'y a aucun problème. C'est vraiment adapté à tout le monde. Puis j'ai un peu toutes les genres de clientèle, ce qui veut dire du bas âge, genre 3-4 ans, à aller jusqu'à personnes retraitées, une résidence personnes âgées ici à côté, puis ils viennent régulièrement, là, soit pour le bar laitier ou soit pour le mini-golf. Donc on peut voir vraiment qu'il accueille tout le monde, mais ce qui m'avait aussi précisé, c'est que c'est beaucoup pour les fêtes d'enfants, c'est ce qu'il y a souvent, puis... ça va vraiment paraître aussi à certains moments de l'année, donc durant les pédagogiques, eux, ils vont vraiment regarder les centres de services vont mettre leur pédagogique à quel jour, puis ils vont se préparer en fonction d'eux, parce qu'ils reçoivent énormément d'enfants. Et pour les vacances de Noël, pour la semaine de relâche aussi, c'est beaucoup ça. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup une clientèle jeune, mais ça veut pas dire que c'est juste pour les jeunes. Oui, c'est vraiment ça, c'est adapté pour la famille. Un peu à tout le monde. C'est juste que ça adonne que c'est beaucoup des jeunes. Mais c'est ça. C'est sûr que quand il y a plein de couleurs un peu partout, puis les décors, c'est peut-être ça qui les attire aussi. C'est du fluo aussi. C'est du fluo. Ouais, c'est pas mal ça qui le rend. Exactement. C'est l'aspect que je suis allé chercher vraiment. Puis je lui ai demandé qu'est-ce que ça rajoute d'avoir un fluo. C'est tous les décors fluorescents pour son golf, donc on peut l'entendre aussi. Un amusement, je pense. Un amusement en même temps. Le monde arrive ici avec des vêtements qui sont réfléchissants, tu sais, du blanc, des couleurs fluo. Le monde aime ça, puis ils ont toujours hâte de traverser du côté mini-golf pour voir « Hey, ça va me donner quoi comme couleur? » Beaucoup de gens vont arriver avec des bâtons lumineux là, qu'ils vont acheter. Moi, j'en ai ici, j'en vends, mais qu'ils vont acheter à différents endroits. Ils vont arriver avec des foulards, juste de couleurs très, très vives qui deviennent fluorescentes, justement, quand c'est au black light. Moi, on aime ça. Donc, c'est ça. Ça rajoute un amusement, tout comme le bar laitier qui me dit que c'est pour se réconforter si t'as perdu, mais aussi pour se féliciter si t'as gagné. C'est bon pour toutes les occasions. Exactement. Oui, les occasions. J'ai été honnêtement surpris aussi de la diversité de ce qu'ils servent dans le bar laitier. Bref, c'est vraiment un bel endroit qui est très, très complet, beau, qui est apprécié commerce, par la famille. Ouais. Exactement. C'est un très beau lieu. Je vous invite fortement à y aller puis à aller faire un tour et aller l'encourager. Je vous promets que vous allez avoir du plaisir. Oui, on encourage tout le monde à venir avec leur meilleur chandail blanc. Ben exactement, du fluo est porté. C'est sûr, soyez dans le thème le plus possible. Oui, il faut y aller. Si on va à un bar laitier mini-golf fluo s'amuse, ben, c'est une occasion. Il faut y aller en fluo. Exactement. C'est vraiment important. Ben, merci beaucoup, Alexis Chouinard. Maintenant, c'est quoi faire de nos samedis après-midi. Mm-hmm. Et ça, c'est pas peu dire. C'est très important. Alors, vous êtes toujours à Québec Centrique sur les ondes de CKRL. Morning, the sun goes out, as long as shaking, breaking out. My kid is boring, it reaches my skin. So what is wrong with another sin? The bitch is hungry, she needs to tell. So give her inches and feed her. Veuillez apprécier pendant cette courte pause quelques péripéties assez étranges ainsi que les bloopers des animateurs durant l'enregistrement de Québec Centrique. Bien sûr, une fois, il y a une fille qui s'est fait attaquer par un chien. Le chien lui courait après, puis j'ai dû lui faire des respirations parce qu'après, elle faisait une crise de panique. Québec, tu l'as aidé? Oui. Ouais, parfait, merci, Smiley. Ça fait plaisir. OK, bien écoute, moi je travaille dans un hôpital. Et il est arrivé une fois où que j'étais avec ma collègue de travail, elle est noire, et on faisait le changement des machines distributrices et on a croisé une vieille madame qui était vraiment habillée de manière assez multicolore, OK? Elle était vraiment, vraiment très colorée et elle nous a regardé, elle a pris la main de mon amie, elle l'a regardé, elle l'a flatté, elle a dit « En tout cas, je suis vraiment contente que l'esclavagiste soit revenu. » Et à ce moment-là, on s'est vraiment posé la question de « Est-ce que cette madame-là faisait partie... Est-ce qu'elle avait été admise à l'urgence? Est-ce qu'elle avait un problème? » Et en même temps, on se disait « On est à l'hôpital, donc ça devrait être normal. » Mais je dirais que dans les trucs qui m'ont le plus surprise, c'est pas mal ça. J'espère qu'elle avait un problème parce que... c'est pas normal. On va faire... Un petit peu de silence. Ouais. Dans les Todoroki! Ouais. Ben, on met ça au début de chaque épisode. Non! À chaque transition, c'est pas une tune, c'est On en a un deuxième. C'est vraiment terrible. OK. Ça m'a fait, cringe à un point. Puis tu vas faire ça aussi? Puis là, on en fait un tout le monde ensemble, on fait Québec centré. On chante la tune. Québec centré. Je sais pas c'est quoi. Je veux en savoir plus sur ma ville, donc j'écoute Québec centrique. Québec centrique. Je veux en savoir plus sur ma ville, donc j'écoute Québec centrique. Québec centrique. Je vais y aller, genre tout. Attends, what the fuck? J'ai fait comme une tonne. C'est pas... Alex, il nous l'a montré en couleur. Mais on aurait fini. Alex, il est dumb. Il nous l'a montré en couleur. Noah Montana, Troye Sivan. Ouais. You were there. C'est Charlie XCX. Bah, on aurait fini, là. Vous êtes de retour à Québec Centrique sur CKRL. Anne-Sophie Aubin, bonjour! Hey, salut! Tu nous as trouvé une histoire aujourd'hui qui date pas d'hier quand même, mais qui vaut la peine d'être racontée. Oui, ben en fait, là, moi, j'ai cherché sur les internets et j'ai trouvé, en fait, un meurtre qui s'est déroulé à l'ancien zoo de Charlebourg, le Jardin zoologique du Québec, là, communément appelé dans son temps. Exactement. Le zoo est fermé aujourd'hui quand même. Il y a deux écoles. Il y a une école primaire, une école secondaire. Il y a le parc du Moulin, il y a le terminus. Ouais. Mais ça a quand même été quelque chose de gros. Ça a été quand même très, très gros, là. Il a été ouvert, en fait, en 1931. Fait que ça date de... Ben, c'est ça. Pas d'hier, comme tu dis. Mais c'était quand même un pas pire zoo, là, honnêtement, pour la ville de Québec. C'est un peu l'équivalent, en fait, de l'aquarium de Québec, là. En fait, qui sont les mêmes propriétaires qui avaient le zoo. C'est les mêmes qui, en fait, qui ont... L'aquarium. L'aquarium est resté un peu plus longtemps quand l'aquarium même. L'aquarium est encore ici aujourd'hui. On l'aime beaucoup avec ses raies et ses méduses. Oui, beaucoup de sorties scolaires à l'aquarium. En plus. Puis j'imagine qu'il y avait aussi là, des sorties scolaires dans ce temps-là là, au zoo. Puis tu sais, on avait beaucoup d'animaux. Là. On avait des flamants roses, il y avait des léopards, des lions. Je pense qu'il y a eu un éléphant pendant un petit bout de temps même aussi. Fait que tu sais, plein d'animaux exotiques là, qu'on ne voit pas généralement à Québec. En fait, là, la seule place où on peut les voir ces temps-ci, c'est au zoo de Granby, vraiment le plus proche. Là. J'imagine peut-être aussi... Ben, c'est moins proche, mais il y a toujours à Montréal... Oui, le zoo de Saint-Félicien, ça se peut-tu? Oui, il y a le zoo. Ouais. En tout cas, il y a comme des jardins, des choses comme ça quand même. Oui, en tout cas. Oui, il y a quand même ça. Je ne sais pas si tu l'avais mentionné, il y avait des ours polaires. Oui, il y avait les ours polaires qui étaient en fait là, une des plus grandes attractions, là, les animaux en fait qui attiraient le plus de gens dans les années 1930 à 1940 environ. Puis c'est en fait par rapport à eux autres que mon anecdote se déroule aujourd'hui. Les ours polaires voulaient une petite collation. Les ours polaires voulaient en fait une petite collation et ils ont eu celle-là qu'ils voulaient en fait. En fait, mon histoire, l'histoire du meurtre au zoo... C'est qu'en fait, un homme s'est fait bouffer, hein, il s'est fait dévorer raide par les ours polaires. Je me souviens plus la date, mais en 1939, Joseph Germain, en fait, là, originaire de Rimouski, était en vacances à Québec avec sa femme et ses deux enfants. Puis ce qu'il faut savoir là, c'est que la cage des ours polaires, c'est pas des belles cages là ou un gros bassin comme à l'aquarium du Québec où c'est vraiment vitré et on peut aucunement les atteindre. Au zoo, au jardin zoologique, c'était une grosse cage, comme une grosse cage à chiens avec des barreaux vraiment très très espacés où que tu pouvais facilement te rendre. Et la seule chose qui séparait la grosse cage des visiteurs, c'était une petite barrière en bois située à environ un mètre de la cage. Fait que ça vraiment, passerait moins aujourd'hui. Ben c'est ça. Puis ouais. Si tu voulais aller flatter les ours polaires, tu pouvais vraiment clairement le faire. Aujourd'hui, les jeunes seraient clairement allés, puis il y aurait vraiment eu des gros accidents. Des accidents comme celui qui s'est passé, en fait, là. Puis ce qui s'est passé, c'est que Joseph Germain, il voulait donner des arachides, il voulait donner des peanuts. Aux ours polaires, leur collation préférée, évidemment. Puis il se trouvait qu'il était trop loin de l'enclos, à côté de la barrière. Fait qu'il a décidé de traverser celle-là. Il est allé, puis il a passé son bras à travers les barreaux, comme pour essayer d'attirer les ours polaires. Ça l'a marché, hein? Les ours polaires sont venus. Ils lui ont pogné le poignet, ils l'ont tiré vers la cage, en fait, et ils lui ont arraché le bras. Fait qu'il y a un ours polaire qui a arraché le bras droit. Le deuxième ours polaire, il est arrivé, il lui a pogné le bras gauche, il l'a arraché. Fait que là, ben déjà, il n'y avait plus de bras. C'était vraiment un petit moignon. Il restait juste des jambes. Puis là, je sais pas comment ça s'est passé, mais ils lui ont bouffé la jambe aussi. Fait que vraiment, il n'est pas mort direct, sauf qu'il a souffert pas mal, pas mal. C'est sûr que c'est quand même une assez vieille histoire, donc on n'a pas toutes les informations, mais les informations importantes. On se dit aussi que c'est pas nécessairement, là, quand on parle de ça, on dit pas qu'il était... Il pensait pas à son affaire, qu'il était un peu idiot de faire ça. On a tendance à faire confiance à un zoo. Si on voit que l'ours polaire est dans une cage, on se dit que le zoo savait que c'était correct. Finalement, oui, ça allait bien se passer. Super bien fini. Le zoo, quand même, avant que ça ferme, ça a baissé en popularité quand même... les gens qui venaient au zoo, je vous dirais oui, hein, parce qu'il a fermé en 2006, puis ce qu'en fait, il avait fait des rénovations vers 2002, puis ces rénovations ont coûté tellement cher que les visiteurs qui venaient n'apportaient plus assez d'argent pour subvenir à l'argent qui avait été dépensé là, pour les rénovations. Fait qu'il a fermé à ce moment-là, mais pas au moment de l'accident. OK, fait que c'est pas la raison. C'est vraiment pas la raison, là, parce que le pic, le summum, là, en fait, de la popularité, c'était pendant les années 50 de ce zoo-là. Fait que c'est vraiment une dizaine d'années après là, l'incident. Et le pire, c'est qu'il y a eu un deuxième meurtre avec ces mêmes ours polaires-là. Puis cette fois-là, c'était le gardien. C'était le bonhomme qui apportait la nourriture chaque jour aux ours polaires qu'à un moment donné, il n'a pas été chanceux. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Il s'est fait bouffer lui aussi. Fait que, tu sais, ces ours-là, même après l'incident, le zoo n'a pas fait, tu sais, n'a pas intervenu ni rien. Fait que c'est arrivé une deuxième fois. Après ça, par contre, ils ont décidé d'abattre les ours polaires parce qu'ils ont décidé que c'était vraiment rendu trop dangereux. Puis ils ont remplacé par la suite par des petits bébés nounours, des nouveaux ours polaires. C'est quand même dangereux des ours polaires. Ça reste quand même très dangereux. Je crois que c'est les ours. Oui, les plus dangereux. Après ça, c'est les ours noirs. Après ça, c'est les grizzlies. C'est comme une échelle des plus dangereux. C'est pas le meilleur animal à avoir en captivité. Disons. Ben vraiment pas. Non, c'est vraiment pas super. C'est pas un chien de poche. C'est sûr que aujourd'hui, avec la pollution, le réchauffement climatique, je crois qu'il y en a de plus en plus des ours polaires en captivité parce que c'est le seul environnement qu'ils peuvent avoir. Mais dans les années 30, c'était peut-être pas le meilleur moment, surtout pas pour les mettre dans des... Le monde n'était pas tant éduqué, mais c'est des photos que j'ai vues parce que ça date de très très longtemps. Puis les informations que j'ai trouvées, c'était des archives des journaux, en fait, vraiment des photos qui dataient de ces dates-là. Puis les photos, c'est ça. La cage avait l'air très, très, très petite. Fait qu'il n'y avait pas l'air d'être dans un super environnement propice au développement. Là. Est-ce que tu sais si cet événement-là, ça a amené des changements dans la manière de garder les animaux, comme de bien s'occuper des animaux, d'arranger la sécurité? Ou... Ben, honnêtement, comme j'ai dit, vu que c'est une très vieille nouvelle, là, j'en ai pas tant trouvé que ça, parce que c'est dur de trouver cette information-là quand c'est pas récent. Mais je penserais pas, honnêtement, là, je pense qu'ils ont remplacé les ours, puis ils ont continué comme si de rien n'était, ils ont continué à amener de nouveaux animaux. Ça l'a pas nui tant que ça, là, au zoo. C'était « Ah, oh, c'est un accident qui est arrivé, thank you, next. » En tout cas, c'est un accident qui est réarrivé en plus, donc en incroyable. Et donc, l'histoire, on le répète, est vieille, mais c'est quand même encore assez d'actualité. Je pense notamment à Harambe, le gorille au zoo de Cincinnati qui avait été tué parce qu'un petit garçon était tombé dans l'enclos. Et il y avait comme une grosse... Et c'est quoi qui était passé? Ça fait quand même longtemps. Ouais, c'est juste ce petit garçon qui était tombé. C'était comme en 2006, 2008. Ouais. C'était début année 2000. Un petit garçon était tombé dans l'enclos. On pensait que Harambe essayait de l'attaquer. Il avait commis une grosse affaire. Les gardes... Mais c'était pas vrai, les gardiens du zoo, non, c'est ça. Les gardiens du zoo l'avaient... Mais il est mort récemment à Harambe, ça l'a fait un gros... Non, il est mort à ce moment-là. Ah, pour vrai? Oui, il est mort à ce moment-là. C'est quel gorille qui est mort récemment, d'abord? Honnêtement, je connais pas tous les gorilles du monde. Mais c'est ça, c'est quand même quelque chose qui reste toujours d'actualité, la manière qu'on traite les animaux dans des zoos. C'est très controversé, mais tu sais, c'est quand même assez... C'est grave, là, comme situation, là. Surtout, je pense au parc... je sais plus c'est où, Maryland, je crois. Oui. Ou que les orques sont en captivité depuis des années, puis on va juste voir des vidéos de à quel point ils sont malheureux. Mais tu sais, ça reste que les orques, en tant que tels, dans la nature, c'est quand même assez dangereux. Puis je pense qu'il y a eu des meurtres, justement, avec des orques. Ouais. Il y a pas longtemps dans les parcs, à cause que ceux-ci étaient maltraités dans les aquariums. Donc sûrement que les ours polaires du jardin zoologique étaient eux aussi maltraités, ce qui a lié à... un accident de ce côté-là. On ne dit pas que c'est la faute des ours polaires. Non, ben c'est... D'avoir fait ça quand non, même. Non, vraiment pas. Mais donc, merci Anne-Sophie Aubin. Ben, ça fait plaisir. D'en avoir appris plus sur le meurtre... C'était très intéressant. Au zoo botanique de Québec. Mm-hmm. Eh bien, vous êtes à CKRL, l'émission Québec Centrique. Et on se retrouve après une courte pause. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Vous êtes de retour à Québec Centrique sur CKRL. Emijad Audet, bonjour! Allô, comment ça va? Ça va très bien. Et toi? Très, très, très bien. Super. Emijad, tu nous as trouvé une histoire nouvelle digne d'un film hollywoodien. Ouais, ça date pas de trop longtemps, tu sais, 10 ans environ. Ça s'est passé le 6 juin 2014, si plus précisément. Et ça s'est passé à côté de chez nous, c'est ça, à Charlebourg, dans la prison d'Orsainville. Il y a eu une évasion, comme tu dis, digne d'un film hollywoodien. Ils se sont évadés avec un hélicoptère. Ouais, ça avait quand même fait les nouvelles quand c'est arrivé. Là, c'était une grosse nouvelle. Je me souviens, j'habite à Saint-Émile, donc on est juste à côté. On en parlait d'école. Un petit fait intéressant aussi, c'était pas la première dans la province de Québec. Genre 10 mois plus tôt environ, il y en a eu une autre à Saint-Jérôme en mars 2013. Donc quand même... Cette année-là, c'était une grosse année d'hélicoptères. Ben oui. Mais d'habitude, quand même, au pénitencier, on rappelle que c'est souvent des... En fait, c'est des gens qui restent là peut-être 2 ans, 2 ans et demi maximum. Environ. Ou sinon, ils restent là pendant qu'ils sont au tribunal, qui attendent leur procès. Mais dans le cadre de cette évasion-là, c'était des hommes assez dangereux qui s'étaient évadés. Comme tu dis, c'est ça. Ils étaient en fait en attente d'un procès. Ils avaient été arrêtés avec... dans le cadre de l'opération Écrevisse, qui s'est passée en 2010, c'était sur... ça visait à défaire une organisation de trafiquants de drogue. Donc, eux autres, ils étaient comme... Des gros crimes, dedans. Puis, ils étaient aussi en attente d'un procès pour des meurtres qui se sont passés en 2009 et en 2010. Donc, c'est des hommes très dangereux. Oui, c'est une des raisons pourquoi on en a autant parlé. D'ailleurs, c'est pas... Mais déjà, c'est pas des gens qui sont en prison 2 ans qui essaient de s'enfuir quand même. Mais c'était assez dangereux. Il y avait quand même... On disait de faire attention si on les voyait. C'était vraiment une grosse affaire. Et l'opération, quand même, elle a demandé beaucoup d'efforts de la police, de la part de la police. Oui, ça a pris environ 200 policiers. Puis ils ont été arrêtés comme en fin juin, là, vers la nuit du 21 au 22 juin. Là. Ça a pris plusieurs semaines avant qu'ils puissent les retrouver. Là. C'était un gros... une grosse aventure pour les policiers et aussi une aventure insolite. Exactement. Avec beaucoup de policiers aussi, là. C'était, il y en avait une... 200. 200, ouais. C'est quand même... C'est quand même beaucoup. C'est quoi qui leur a mis la puce à l'oreille par rapport à... Parce que ça a quand même pris assez longtemps pour les retrouver. C'était beaucoup d'efforts. C'est comment qu'ils ont fait pour trouver où les gens étaient, comment ils avaient pu s'enfuir? Mais c'est ça. Le Journal de Québec a fait un reportage avec le détective principal, Samson, qui, il y a quelques semaines, là, le 8 juin, en fait, 2024, pour les 10 ans de l'évasion, et il racontait qu'il y a 4 éléments qui les ont menés à trouver les échappés. Une, c'était une poupée gonflable. L'autre, c'était des pinces coupantes. L'autre, c'était des pinces coupantes, un barbecue puis une cigarette. Donc, c'est quatre éléments très... Une cigarette à cause de l'ADN, j'imagine, qui est... Non, c'est plus compliqué que ça. Mais je vais vous raconter ça. Donc, premièrement, pour la poupée. Quand c'est sorti cette nouvelle-là, il y a eu beaucoup de... Comment je pourrais dire ça? Ben, les gens étaient... Ils comprenaient pas comment les gardes, les policiers avaient pu laisser s'enfuir les gens en hélicoptère, c'est quand même... Oui, c'est ça. Puis c'est pas fait, subtil. La poupée gonflable a servi à créer un sorte d'otage. Donc, les gardes qui étaient à la prison d'Orsainville pensaient qu'il y avait un otage dans l'hélicoptère. Oh my God. Finalement, c'était une poupée gonflable. Une poupée gonflable. Pas du tout en vie. Donc, c'est ça. Puis, ouais, le conducteur de l'hélicoptère, quand même, avait un lien avec, avec tout ça. L'hélicoptère, c'est une partie très importante. Oui, c'est ça. Donc, je vais vous raconter un peu comment ça s'est procédé, leur recherche. Donc, premièrement, leur piste était sur un des prisonniers. Donc, les trois prisonniers, c'était Serge Pomerleau, Denis Lefebvre, pardon, et Yves Denis. Puis le fils de Denis Lefebvre, il avait été arrêté il y a quelques mois, puis il avait été emprisonné à la prison d'Orsainville pour un petit fait, là. Ouais, quelque chose que tu restes moins de 2 ans. Exactement. Il est resté quelques jours dans la prison. Puis, il y avait aussi un complice avec lui. Donc là, les policiers ont décidé de les surveiller avec une écoute électronique, c'est ça. Et une surveillance sur leurs textos puis sur leurs déplacements. Puis en fait, qu'est-ce qu'ils ont trouvé avec le fils de Nanny Lefebvre? C'était pas vraiment lui le plus important, mais son complice... il était associé avec les échappés, puis il y avait aussi un permis de conducteur. D'hélicoptère, oui. D'hélicoptère, exactement. C'est assez utile, quand même. C'est ça, exactement. Mais d'ailleurs, l'hélicoptère, en fait, ils l'ont jamais retrouvé. Donc, ils sont partis avec, mais la police n'a jamais retrouvé l'hélicoptère. C'est ça. En fait, où ils ont trouvé la poupée gonflable, ils ont compris le lien. C'est parce que l'hélicoptère s'est posé à Portneuf, à Saint-Basile. Puis pour être ravitaillés. Donc là, après, ils se sont repartis, puis la police est arrivée, ils ont trouvé un bidon d'essence, puis une poupée gonflable. Puis comme j'ai dit tantôt, la poupée gonflable a servi d'otage, mais ils ont aussi trouvé des pinces coupantes. Puis comme ça, ils ont suivi avec le code bord des pinces coupantes, qui l'avait acheté. Puis c'était le complice du fils d'un des échappés, donc de Denis Lefebvre. Ils ont laissé quand même une trace derrière eux. C'est ça, puis ils étaient neufs, là, les pinces. Ils avaient été utilisés, je dirais, une fois, là. C'était peut-être pas la meilleure idée de faire ça, de laisser ça derrière. Exactement. Puis l'hélicoptère enterré. Oui, c'est ça. En fait, ils se sont arrêtés à Saint-Béatrix dans Lanaudière. Puis il a été enterré, mais il n'a jamais été retrouvé par les policiers. Ben voyons. Puis aussi dans ce passage-là... Ouais, c'est gros, un hélicoptère, mais ils l'ont jamais retrouvé. Non, puis dans ce passage-là aussi, les échappés se sont arrêtés dans un chalet, puis ils n'ont jamais trouvé aussi le chalet, puis combien de temps ils sont restés. C'est un peu flou. Exactement. Puis pour la cigarette, on se demande. Oui. C'était pas l'ADN. OK. Ben, c'est ça. En fait, c'est encore plus fou. Grâce à un texto qui a été trouvé du complice à un des échappés, ils ont pu géolocaliser les échappés dans une luxueuse tour à condo dans le Vieux-Montréal. Quand même, ils se sont fait plaisir. Oui, ben, c'est ça. Puis en fait, ils attendaient de l'argent pour pouvoir sortir du pays. Donc, ils n'ont pas pu, finalement, sortir du pays. Puis, aussi, un autre fait intéressant. Selon le détective qui a été interviewé, il y a un haut gradé qui résidait dans cette tour-là. Qui résidait dans cette tour-là en même temps que les échappés étaient dedans. Oui, donc, ils ont... Ils ont peut-être pas bien choisi leur... Puis la cigarette. Oui, la cigarette. Tout ça, oui. J'arrive à ça. Pardon, okay. Pardon. Donc, en fait, je suis pas encore rendue à la cigarette, en fait, moi. Tu m'as dépêchée. Non, mais... J'avais, comme j'ai dit tantôt, il y avait un barbecue aussi dans un des éléments qui l'a aidé. C'est que... Il y a eu un texto encore intercepté le 21 juin 2014 qui parlait d'un barbecue, s'il pouvait faire tuer le barbecue. C'était un des échappés qui a écrit ça au complice. Puis, dans la tour, il y avait juste un appartement qui en avait, un barbecue. Ouais. Donc là, c'est ça, ils ont pu trouver. Puis pour vraiment être sûr que c'était l'appartement, le détective principal, il est allé voir un autre des appartes dans la tour. Puis en levant les yeux, dans le balcon d'en haut, il y avait un des échappés qui fumait une cigarette, en fait. Donc, c'est ça le lien avec la cigarette. C'est vraiment... Donc, c'est vraiment... C'est pas un élément très important. Une cigarette? Non, il fumait sa cigarette. Ouais. Ils l'ont vu l'échappé fumer. C'est comme ça qu'ils ont trouvé. Il est allé sur le balcon d'un des appartements en bas, puis en levant les yeux, il a vu un des échappés dans l'appartement qui était... Il faut que tu sois relax. Ouais. Tu chilles, tu fumes ta petite cigarette le matin. On fume un peu moins en prison parce qu'ils sont retournés en prison après ça. Oui, c'est ça. En fait, dans la nuit du 21-22, ils ont rentré dans l'appartement, la police. Le détecteur a dit que ça a pris environ 10 secondes. Puis 90 000 a été aussi trouvé avec les prisonniers, qui sont maintenant des prisonniers. En 2014, c'est ça, les prisonniers ont été condamnés à vie, en fait. Oui, à vie pour des meurtres. Ils ont été condamnés pour les meurtres. Leur évasion n'aidait pas non plus. Et leur évasion, exactement. Ouais, donc, c'est ça, ils ont condamné à 22 ans, puis après, il y a aussi eu 26 ans, tu sais, ils ont quelques vingtaines d'années encore en prison. Ouais, ça a un peu mal fini pour eux. Ça finit bien pour nous parce qu'on a des criminels dangereux en prison. Exactement. Mais c'est quand même une évasion assez insolite. Tous les éléments sont un peu... Mais moi, j'ai une question. Ben oui. Ils sont détenus où en ce moment, les prisonniers? Ils sont plus à Orsainville, là, ben non, évidemment. Parce que Orsainville, c'est plus pour des attentes de procès, comme elle a dit. Ouais. Mais j'ai pas regardé. Mais en même temps, c'est sûr que souvent, on dit pas nécessairement où les prisonniers sont détenus. Parce que c'est quand même... C'est quand même assez confidentiel. C'est top secret. De toute manière, on ne veut pas aller les visiter, donc ça devrait être correct. Ils peuvent rester en prison. Exactement. Mais donc, merci, Emija Daudet. Et on se revoit bientôt pour... L'épisode 2. L'épisode 2, exactement. Sur, on vous le dit pas tout de suite. Ouais, c'est un secret. Vous verrez, c'est un secret. Mais donc, merci. Comme toujours, je suis votre animatrice, Mo Simard, et vous êtes à Québec Centrique. Vous êtes de retour à Québec Centrique sur CKRL. Alors, Anne-Sophie Aubin, bonjour. Salut. T'es allée magasiner pour ton reportage. Oui, je suis allée au marché Jean Talon à Charlebourg. Là, Jean Talon, de base, savez-vous, c'est qui, en fait? Non, je dois avouer que j'ai aucune idée. Jean Talon, il n'est pas très important au marché là, en tant que tel. C'était le premier intendant, donc comme un genre de premier ministre de la Nouvelle-France, donc le premier à Québec. Fait que le lien avec le marché puis le bonhomme, je le sais pas. Il y en a pas vraiment. Il y en a aucun. Mais c'est pas un petit personnage pour Charlebourg, mine de rien, vu que, justement, il y a le boulevard Jean-Talon qui a une bonne partie, là, qui nous permet de prendre l'autoroute de la Rancienne, et il y a le marché Jean-Talon qui est juste devant. Fait que c'est quand même une grosse partie. Oui, il est pas mal un peu partout à Charlebourg. Pour ceux qui sont jamais allés au marché Jean-Talon, qu'est-ce qu'on veut dire précisément par marché? Ben, marché, parce que quand même, c'est un terme assez large. C'est ça, on pense marché, ben, personnellement, là, moi je me dis marché, je pense à un genre d'épicerie qui vend tous les fruits et légumes des fermiers, whatever, en tout cas. Sauf que le marché en talons à Charlebourg, c'est pas pantoute ça. Ça va ressembler plus à un genre de centre commercial, vraiment comme le Carrefour Charlebourg qui est à côté, avec des boutiques là, vraiment typiques, là, comme d'habitude. Oui, on voit quand même, il y a quand même des boutiques assez différentes qui se côtoient. C'est ça, tu sais, je dis des boutiques comme d'habitude, mais c'est pas tant. Non, comme c'est d'habitude. Ça, on n'a pas l'habitude nécessairement. C'est l'aspect étrange, justement. J'ai l'impression que les autres centres commerciaux, un peu, ils ont les mêmes rassemblements de types de boutiques les mêmes endroits, mais Jean Talon, on dirait qu'il s'en fout un peu plus, c'est un peu plus étendu. C'est super diversifié, tu sais. Ouais, si, mettons, si on avait une petite liste là, ouais, de ce que tu te rappelles avoir vu au marché. Ben, il y a une boutique de cartes de hockey et cartes de sport que tu peux trade et tout. Il y avait une quincaillerie, il y avait un bar, il y a un magasin de bonbons. T'as un endroit, tu sais, comme les courses à chevaux, où que tu peux miser puis gager sur les chevaux. Fait qu'il y a un affaire de même. Il y a un musée de la bière. Alors, Chantal nous dit ceci. On se sent sécure. Il y a quand même une clientèle qui est pour tous les goûts. Oui. C'est juste ça. Moi, c'est pour ça que j'ai dit, moi, je suis stable, je veux revenir ici. Je sais que, bon, j'ai mon emplacement. J'ai pas à me casser la tête à emballer le stock, désemballer, oui, remonte le setup. Donc, c'est ça. Pour Chantal, là, c'est vraiment une question de stabilité. Parce qu'elle, elle faisait beaucoup de festivals. Tu sais, des fois, tu vas dans un festival puis tu croises un petit stand là, avec... Oui, oui, oui, des petits... Des gogos de tout type, là, whatever. Puis, c'est ça, elle, c'est vraiment une question de stabilité pour ne pas avoir justement à désemballer, remballer. Parce que c'est ça, comment ça marche, c'est que tu peux te louer un espace dans cette grande salle-là. Puis, en fait, tu l'achètes, puis tu laisses tes choses-là la fin de semaine. Fait que ça fait que pour des plus petits commerces, c'est plus avantageux versus avoir besoin d'acheter une grosse, grosse boutique. Oui, que des fois, c'est... Ça coûte vraiment cher. Le revenu revient pas assez pour être capable de vraiment rentabiliser... Exact. Le fait d'avoir une boutique comme ça. Et pour ce qui est de André... André, oui. André avait moins un point de vue économique. André, parce que lui, c'est un vendeur de CD, un vendeur de vinyle, qui avait une super belle collection. D'ailleurs, je vais sûrement le tourner. Mais lui, il habitait à Chicoutimi, en fait, avant. Puis lui avait une boutique de CD, justement. Sauf que là, il a déménagé, puis il voulait quand même continuer à vendre ses affaires. Donc, il a décidé... d'aller au marché Chantalon, sauf que il aime ça pour une raison plus différente, en fait, là, que Chantal. C'est plus qu'un passe-temps. C'est au-delà de la passion. C'est la passion, oui, pour la musique, elle sera toujours là. Mais par rapport aux gens, c'est que souvent, moi, ce que ça m'a donné la chance, là, c'est que des fois, la différence, ça a été de s'habituer à ça. Donc, justement, comme André dit, là, Marché Jean Talon, c'est une place qui est très diversifiée. Diversifiée dans tous les types de personnes là, que tu vas voir. Tu peux croiser une personne vraiment très basic, qui s'habille toute mignon, versus quelqu'un qui va avoir plusieurs piercings dans le visage et plusieurs tatous, ce qui est super cool d'ailleurs. Moi, je trouve ça vraiment hot. Puis justement, fait que c'est ça, il y a une grande diversité que lui ne voyait pas nécessairement à Chicoutimi, donc dans les plus petites villes, là, t'sais, en région. Fait que lui, il a trouvé ça super intéressant de pouvoir parler à ces gens-là pour pouvoir avoir une plus grande diversité. Parce que ce qu'il me dit, c'est qu'il adore ça parler, puis jaser avec le monde. Ouais, lui, pouvoir... il fait plus ça par passion, il fait le ça, fait de, comme il dit, c'est de, ça. De vendre des choses là-bas. Puis c'est sûr que j'imagine que le fait, parce que personnellement, par exemple, mes parents viennent pas de la ville de Québec, le fait de partir de sa ville natale, on se sent vraiment isolé, c'est plus difficile de se faire comme des nouvelles connaissances. Donc j'imagine que ça lui permet de parler à des gens, découvrir des nouvelles choses. De base, il vendait ses CD avec un de ses amis, mais lui, il était malade là, récemment, fait qu'il a dû abandonner le projet. Mais ce monsieur-là, il vendait avant là, ses CD avec ses enfants puis avec sa femme. Fait que c'était vraiment un aspect familial là, qu'il aimait avec ce commerce-là. C'est presque une compagnie familiale. C'est presque une compagnie, ben oui, c'est ça. Fait que lui, de continuer ça au marché Chantalon, je pense que ça lui fait vraiment plaisir de pouvoir parler aux gens. Même les gens qui achètent pas, là, il m'a dit, souvent, il y a du monde qui achète rien, puis que... Pardon. Ils viennent juste voir, puis ils donnent des compliments, puis ça fait sa journée juste de parler aux gens. Fait que... Ouais, c'est toujours assez agréable. Mm-hmm. D'ailleurs, on dit pas les noms de famille de Chantal et d'André parce qu'on voulait garder ça un peu plus anonyme. Oui. Ça reste que c'est leur prénom, donc si vous y allez, vous les voyez, ça va être leur nom. Donc oui, c'est pas si anonyme que ça, mais c'était juste pour garder un peu leur anonymat. Mais tu dirais que c'est quoi l'ambiance là-bas la fin de semaine? L'ambiance la fin de semaine, déjà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Ça grouille de gens, là, pour de vrai. Je pense que par fin de semaine, le marché Chantalon accueille 20 000 personnes environ. Fait que, il y a beaucoup de gens. Mais c'est quand même vraiment une ambiance très joyeuse. Tu sais, vous avez entendu un peu dans l'extrait, là, c'est bruyant en tant que tel parce que, tu sais, le monde y parle, le monde interagisse. Sauf que, justement, tu sais, c'est vraiment. Le marché Chantalon, c'est un peu comme un aspect de village-communauté. À cause que toutes les petites... Un marché de village. C'est ça, un marché de village, parce que toutes les petites tables sont toutes à côté de l'autre. Puis, tu sais, les personnes sont là à chaque fin de semaine. Fait qu'ils se parlent, ils se connaissent toutes. On finit par se connaître. Le bingo aussi. Le bingo, au marché Jean Talon. Une grosse communauté. C'est ça. qu'est-ce qui t'a frappé le plus? C'est quoi que, en faisant, après avoir fait le tour, là, c'est quoi que tu trouves qui est incontournable? Incontournable? Bien, je vous dirais, c'est vraiment la diversité de produits, parce que, tu sais, là, on a parlé de CD, puis, ben CD, et aussi de trouvailles de voyage, sauf que... il y a tellement, il y a des pièces d'or, il y a des belles, belles toiles que les gens vendent, il y a toutes sortes de bibelots, il y a des souliers, il y a des figurines pop, il y a une espèce de grosse boutique où ils vendent plein d'affaires de Hot Wheels puis de jeux vidéo. Donc, il y a vraiment de tout pour tous. Il y a vraiment de tout, fait que moi, tout le monde va trouver quelque chose. C'est vraiment ça, ce qui m'a frappé, c'est que c'est comme un gros magasin d'antiques, thrift, friperie. Ça donne envie d'aller voir, d'aller fouiner. Ça donne vraiment. D'aller faire le tour. Pour de vrai, oui. Tu sais, les amateurs de thrifting, de friperie et de tout ça, là, pour de vrai, aller faire un tour. C'est vraiment, ça vraiment intéressant. Ça vaut vraiment la peine. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Anne-Sophie Aubin. Nous, on se retrouve dans quelques épisodes. Alors, évidemment, on ne dit pas tout de suite c'est quoi, on garde la surprise, mais on se retrouve bientôt. Oui. Que merci. They call the rising sun, and it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know I'm one. Alors, juste avant qu'on se quitte pour cet épisode, on vous laisse avec un petit avant-goût de ce à quoi vont avoir l'air les autres épisodes. Alors, on a perdu deux chroniqueurs en chemin. Ils sont allés vaquer à leurs occupations, mais on en a gagné deux autres. Alors, on a toujours Anne-Sophie Aubin avec nous. Oui. Mais maintenant, on a aussi Alex Desmarais et Thomas Mercier qui vont parler dans les autres épisodes. Alors, bonjour tout le monde. Salut! Alors, on s'est dit qu'on allait chacun partager quelque chose qu'on aime sur notre propre quartier. Donc, comme ça, vous allez voir un peu... c'est quoi notre idée, notre concept d'émission? Mm-hmm. Alors, personnellement, j'habite à Saint-Émile. Saint-Émile, d'ailleurs, avant, c'était un village. C'était vraiment comme une municipalité. Maintenant, c'est un arrondissement. Donc, techniquement, c'est dans la ville de Québec, dans la Haute-Saint-Charles. Mais avant, c'était un village. C'est mon village de Saint-Émile. En fait, ça a arrêté d'être un village en comme 2002. Oh my god! J'étais pas née. C'est quand même récent. Ouais. Ouais, c'est quand même très récent. Mais donc, quelque chose d'intéressant qui s'est passé à Saint-Émile, c'est il y a pas si longtemps, il y a comme un an ou deux. Ah, ça fait peut-être plus longtemps. Honnêtement, j'ai pas retrouvé la date. Mais il y a eu un incendie dans la cour du garage Boulet qui s'est comme super proche de Wendake, là, c'est comme la limite entre Saint-Émile et Wendake, qui est 500 voitures. Hey, c'est un incendie criminel, je pense. Oui, c'est un incendie criminel. Ouais, c'était un gars de 16 ans qui avait parti le feu. Ouais. Non. 500 voitures, on voyait le feu là, à des kilomètres. Je voyais de chez nous, j'habite quand même loin de la limite de Wendake. Genre 500 voitures qui étaient en feu. Ouais. Est-ce que c'était des voitures neuves? Non, c'était comme une. Ben, en bon québécois, c'est le cours à scrap. Ok, ok, ok. J'ai vu une voiture en feu dans ma vie, puis je pensais que c'était les portes de l'enfer. Il n'y avait pas de batterie non plus dedans ou rien. Non, c'est là, une chance, ça aurait explosé. Ça aurait été malade. 500 corps qui explosent. Corps. 500 voitures, char. On était proches. Ouais. Toi, Anne-Sophie. C'est mon côté anglophone qui ressort des fois, je te salue. Moi, c'est vraiment plus doux. Moi, mon aspect préféré de Charlebourg, parce que je viens de Charlehood, c'est l'hiver, d'ailleurs, pendant le temps de Noël, qui approche très, très, très bientôt, dans le Trécoré. Il y a des lutins qui sont installés dans les maisons de l'arrondissement là, du Trécoré. Puis, en fait, comment ça marche, là, c'est que chaque maison se fait donner une espèce de... Tu sais, les gros lutins là, qu'on achète dans les magasins de Noël, là, qui sont comme full réalistes, ils se font donner un méchant gros lutin qu'ils doivent placer sous forme de décoration. Tu sais, des fois, il y en a qui font de la corde à danser, qui font de la tyrolienne, tu sais. Ils sont placés de façon vraiment le fun. C'est comme un petit trajet... que tu découvres pendant les fêtes, c'est super. Genre, moi, j'adore vraiment beaucoup. Je trouve que c'est vraiment une belle activité de Noël à faire. Fait que les gens à Charlebourg, aller faire ça, pour vrai, c'est le fun. C'est comme cool que les habitants du quartier participent. Oui, ils sont fous. Puis aussi, je pense qu'ils font, après ça, à la fin genre de l'hiver, ils font un concours des maisons pour voir, entre les maisons, de c'est laquelle la meilleure décorée. Oh. Ah. Puis ils ont c'est un prix. C'est fun, des concours comme ça. C'est super cute. Moi aussi, j'aime ça. Ça me motive. C'est la chose qui me motive à genre être meilleur que les autres. Un concours. Ouais. Sinon, je vais juste comme faire le bare minimum. Toi, Alex, c'était quoi ton... Moi, j'habite à Limoilou. Honnêtement, j'ai de la misère à trouver quelque chose de quand même pertinent parce que dans le Malou, les gens ils pensent que c'est juste du crime, mais honnêtement, il n'y a pas grand chose qui se passe, guys. C'est vraiment tranquille à Limoilou. C'est juste vraiment des petites familles qui habitent dans leur maison puis qui font rien, dont nous. mais j'ai appris récemment que mon quartier, dans le fond, c'est pas Limoilou, c'est Lairet. Hein? OK. Ah, une partie. L-A-I-R-E-T? Ouais. OK, il y a une partie de Limoilou qui s'appelle Lairet, je pense. J'ai toujours pensé que j'habitais en Limoilou. Apparemment, j'habite dans Lairet. Eh bien, on apprend des choses. Ouais. Puis il y a plusieurs années, en 1940, quelque, il y avait une rivière à Lairet. Puis elle a été, genre, ensevelie, je pense. OK. Ouais. Ah, ouais. Ouais, parce qu'il y avait... Un petit ruisseau ou une rivière d'envergure? Je pense que c'était une rivière, mais je pense que c'était, genre, un dérivé de la rivière Saint-Charles. Hein, OK. Puis ils ont, genre, couvert d'asphalte. Ouais, parce qu'il y avait de la pollution dans la rivière Saint-Charles, donc ils ont essayé de dériver, ils ont fait des tuyaux, je pense, sous terre pour les égouts, pour évacuer les déchets, puis ça l'a comme... Ça a détruit la rivière, j'imagine. Ah, yes. Oh my God. Mais ça fait vraiment longtemps, là. Puis je pense qu'il y a eu une grosse affaire politique avec les gens de cette époque. Mais ouais, c'est une la rivière... La rivière disparue. Ouais, ah, la non. rivière disparue. Mais ça t'appelle-tu encore Lairet? C'est-tu vraiment encore ça? Oui, ça sonne... Ça s'appelle Lairet, mon quartier. Ouais. Lairet. Et bien toi, Thomas? Oui, ben moi, c'est très cool. En fait, moi, j'habite à Lévis, mais j'habite plus précisément dans le quartier de Brickville. Mais il faut savoir que Brickville, c'est un tout petit village. C'est vraiment petit. C'est pas si vieux que ça non plus. Il y en a qui le connaissent probablement plus à cause du golfe La Tempête. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Je connais pas le golfe La Tempête. En tout cas, c'est un golfe qui est à Lévis qui est quand même assez populaire. OK. Et moi, on a vraiment juste un Tim Hortons, puis c'est tout. Là. Une petite, petite épicerie du quartier. C'est tout. Mais en fait, la raison pourquoi ça s'appelle Brickville, c'est parce qu'il y avait une famille qui était très influente, qui habitait là. OK. La famille Bréquet, hein, évidemment. Okay. Comment t'écris ça, Bréquet? B-R... B-R-E-A-K-E-Y. OK, Bréquet, ouais, c'est bon. Okay. Vraiment anglais, là, genre. Bréquet. Breaker. Puis, il y a un Cento Spa, et ce Cento Spa-là, c'est l'ancienne villa de Andrew de Naston Brickey. Donc, c'est lui. Okay. Il avait une villa qui était là. Je sais pas pourquoi je pensais que t'allais dire Andrew Tate. On peut l'arrêter jamais. No, I wouldn't vous have. Vous irez voir ça sur Internet pour ceux qui n'ont pas la référence. Qui ne connaissent pas vraiment. C'est peut-être mieux de ne pas le connaître, honnêtement. Ouais. Mais, c'est ça. Puis, il y a aussi plusieurs... La rue sur laquelle j'habite, elle s'appelle la rue des Trois Manoirs. Puis, justement, c'est pas un hasard parce qu'il y a trois manoirs au bout de la rue qui ont tous été construits par la famille Brickey, dont un certain John Brickey, qui apparemment il a été très influent lui aussi. Il y a beaucoup d'histoires par rapport à lui. Puis c'est son père qui, initialement, est resté au quartier. Il voulait aller en Nouvelle-Angleterre, mais finalement, il a décidé de rester là parce qu'il y avait un moulin, quoi que ce soit. En tout cas, donc... Wow! Voilà la petite histoire c'est cool. Maintenant, on saura. Ouais, c'est vrai, mais j'en ai pas su assez, genre, je vais en savoir plus sur John et sur Andrew. Si vous allez Andrew, au spa à Brickville, dites-vous que c'était anciennement une villa. Bon. Oh. Okay. Attention. Imagine vivre dans un spa. Grand luxe, en approche. Ouais. Ben, merci beaucoup, tout le monde, d'avoir partagé vos belles histoires avec nous. Maintenant, on sait où vous habitez. Donc, c'est le fun. C'est fun pour les gens qui voudraient essayer de trouver les adresses. Moi, ça va pas être difficile, hein, ouais, Brickville. Je crois pas qu'il y a 5, comme... 10 000 personnes qui habitent là. Non, effectivement, il n'y a pas grand monde ici. Non. Mais en tout cas, merci beaucoup et on se retrouve dans des prochains épisodes. Et ben, c'est un aperçu de ce à quoi l'émission va ressembler. Donc, restez à l'affût pour les prochains épisodes. C'était Québec Centrique à CKRL. Je suis votre animatrice, Maud Simard. Aujourd'hui avec moi, Anne-Sophie Aubin, Amy Jadaudet et Alexis Chouinard. Prochain épisode, un quartier bien connu de CKRL et de notre cégep, c'est leur lieu de résidence. Je vous laisse deviner duquel on parle. Pendant ce temps, découvrez votre quartier et ce qu'il a à offrir d'excentrique.